Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le cryptage et le décryptage de messages et d'informations secrètes ne constituent pas la part la plus spectaculaire des activités d'espionnage. Elle en est pourtant une part capitale. Aussi, le nom d'Enigma, la fameuse machine à chiffrer et déchiffrer, et celui de Venona sont-ils restés dans l'histoire? De 1943 à 1980, le projet Venona, lancé par les Américains, leur permit de casser les codes soviétiques et de décrypter des milliers de messages, accédant ainsi à des informations capitales sur l'activité des services de renseignement soviétiques. Comme nous le racontait en 2000 Alexandre Adler dans le 7e épisode des histoires d'espionnage soviétique, c'est par Venona que l'on en vint à démasquer les 5 de Cambridge et certains des espions travaillant dans la recherche nucléaire. Dans ce récit des conséquences de Venona pour l'URSS, il est notamment question de deux figures légendaires de l'espionnage soviétique, Alexandre Orlov et William Fischer, alias Rudolf Abel, dont Steven Spielberg a raconté une partie de l'histoire dans Le Pont aux espions. Notons aussi que ce n'est qu'en 1995 que le projet Venona fut déclassé et rendu public par les États-Unis. 7e des 10 histoires de l'espionnage soviétique, Venona, la pierre de Rosette de l'espionnage soviétique. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Venona, la pierre de Rosette de l'espionnage soviétique. Nos péchés, dit Agatha Christie, ont parfois de longues ombres. L'histoire que nous allons raconter est à la fois compliquée, avec des tournants, des retours en arrière, et elle est pourtant décisive dans l'évolution de l'histoire de l'espionnage. C'est la description de l'ensemble des procédures soviétiques d'espionnage à l'Ouest grâce au déchiffrement du code Venona. Voici comment l'histoire peut être racontée. Fin 1941, les Américains, qui lisent désormais parfaitement les codes japonais, le code pourpre utilisé par la marine japonaise et le second code utilisé par l'armée, découvrent l'existence au Japon d'un service de recherche et de décryptage dont une partie importante est installée en Finlande depuis 1939. Ce service est en train de réussir à établir les procédures de codage de l'ensemble des services soviétiques et est arrivé ainsi à une description mathématique de plus en plus satisfaisante de leur communication. Et c'est en fait en décryptant des textes japonais que les Américains ont leur premier accès à des textes soviétiques, si l'on peut dire, traduits du japonais. Ils ont savoir beaucoup plus sur cette opération à partir de 1944. En effet, en 1944, la Finlande, qui est entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne en 1941 pour se venger de l'agression que Staline avait perpétrée en 1939, est au bord de la capitulation. L'héroïsme de l'armée finlandaise va en fait permettre au maréchal Mannerheim d'obtenir de Staline une paix de compromis, la seule dans toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dès ce moment-là, les Finlandais pensent que l'ensemble de leurs activités de renseignement, qui étaient importantes, sont menacés et que, évidemment, s'il y a occupation de la Finlande par l'Union soviétique, l'étape suivante sera la Suède. Aussi est monté par le chef du service de renseignement finlandais, le colonel Aladar Palonen, un homme extraordinaire dont l'activité était essentiellement orientée vers l'analyse cryptographique, l'évacuation de près de 500 officiers de renseignement finlandais avec tout leur matériel en Suède. Et c'est donc à travers les premières découvertes du colonel Palonen que, effectivement, les services de décryptage américains vont se trouver avec un certain nombre de doubles et de procédés de déchiffrement qui, comparés avec un certain nombre d'autres, vont donner lieu, fin 1948, au premier décryptage intégral des premiers messages de l'ambassade soviétique de Washington, et ceci depuis 1939. Et on peut dire que vers 1952-53, ils ont devant eux le tableau le plus complet jamais réalisé de l'espionnage soviétique dans les pays de langue anglaise grâce au décryptage obtenu aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre et en Australie. Les retombées de ces déchiffrements vont être très importantes. Un seul élément, évidemment, l'effraîne, la nécessité du secret absolu. Et c'est la raison donc pour laquelle un certain nombre d'inculpations qui étaient en réalité motivées au FBI par le déchiffrement vont être laborieusement réélaborées à partir d'aveux obtenus de suspects. C'est ainsi donc que de tout l'espionnage nucléaire américain, seuls les Rosenberg, dénoncés par leur beau-frère, vont être jugés effectivement sur la base donc de plus ou moins de dénonciations, de cancans et de bruits dont évidemment la valeur juridique n'aurait jamais dû être suffisante pour les condamner. Et c'est la raison pour laquelle le FBI, dans le plus grand secret, transportera dans ses locaux le juge Kaufmann, président du tribunal Rosenberg, et lui montrera les déchiffrages du code Venona qui prouvent par A plus B la culpabilité des Rosenberg. Mais évidemment, le juge Kaufmann, qui avait juré le secret le plus absolu, il ne le révélera jamais, même sur son lit de mort, ne pouvait pas faire état de ces informations. Il fera néanmoins pression sur le jury avec une insistance très grande. Et par ailleurs, dans le climat de haine macartiste, ce jury décidera d'envoyer les Rosenberg à la chaise électrique, ce qui, après tout, pour des espions, fait partie du risque du métier. En Union soviétique, tous les espions américains, jusque sous Gorbatchev, ont toujours été fusillés. D'autres, au contraire, qui ont eu la bonne idée de nier absolument tout ce qui leur était opposé, pourront continuer leur vie publique, voire leur vie professionnelle, voire recevoir, comme le professeur Kamen, des distinctions très importantes de la communauté académique américaine, dès lors que le FBI ne pouvait pas aller plus loin en découvrant les cartes fortes qu'il avait sur le ventre. Et c'est tout le problème de l'espionnage, c'est moins une affaire de police judiciaire que de renseignement, entre la satisfaction de voir condamner une personne et l'importance de pouvoir continuer à écouter un service de renseignement jour après jour, eh bien, il n'y a pas, comme on dit, photo. Et c'est évidemment, au moment où les arrestations commencent à se multiplier, une crise qui se développe dans les services soviétiques. Que s'est-il passé? Pourquoi le FBI arrive-t-il maintenant à débrouiller un certain nombre de choses? Qui a parlé? Il faut évidemment fermer la boutique, et fermer la boutique en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de fuite supplémentaire. Et dans l'ignorance où ils sont du décryptage Venona, les soviétiques, évidemment, mettent les différentes arrestations et la montée en puissance du contre-espionnage américain sur le compte des imprudences des uns et des autres. Et ce n'est pas faux. En effet, à cette époque, l'essentiel de l'espionnage soviétique aux États-Unis est un espionnage militant. C'est un espionnage qui est fait par des adhérents du Parti communiste américain. Très souvent, contre les règles de cloisonnement qui devraient être observées, ces militants qui continuent par ailleurs à donner de l'argent aux causes du Parti communiste, à fréquenter des réunions du Parti communiste, se réunissent en cellules, discutent politique. Bref, tout ce que l'espionnage, bien compris, interdit. Aussi, envoie-t-on au début des années 50 à New York, car c'est là qu'il élira domicile, un grand espion connu sous le nom du colonel Rudolf Abel et dont la première tâche sera de fermer la boutique de l'espionnage soviétique en matière nucléaire. C'est ainsi que Maurice et Lona Cohen changeront d'identité et de nom et ouvriront une galerie de tableaux à Londres sous le nom de Kroger, qui servira de boîte aux lettres au service soviétique en Angleterre jusqu'à ce qu'il soit découvert. C'est ce qu'on appellera le réseau de Portland Place 10 ans plus tard pour des affaires beaucoup plus anodines. Ils finiront par être échangés et termineront leur vie en Union soviétique. D'autres partent même en Union soviétique, comme l'ingénieur George Stavros, un ami des Rosenberg, qui sous le nom de Sarant sera en fait un des pionniers du programme informatique soviétique à Leningrad. D'autres, enfin, sont recasés à l'UNESCO, à Paris, qui a toujours été une source importante de couverture d'espionnage. C'est le cas notamment des amis du frère de Robert Oppenheimer, qui faisait partie d'un réseau d'espionnage au Caltech, l'Institut californien de technologie, et qui, eux, s'occupaient beaucoup plus de fusées et de propulsion que de nucléaire. Hakon Chevalier, l'ami de Robert Oppenheimer, et qui fut probablement son officier traitant, part lui aussi comme traducteur à l'UNESCO, où il finira sa vie en France. Donc, cette évacuation est menée par Rudolf Abel dans de ces bonnes conditions. Mais pourquoi Rudolf Abel demeure-t-il une fois que le travail a été fait, c'est-à-dire vers 1952? Et en fait, Abel sera arrêté dans des circonstances qui restent en partie mystérieuses, un beau jour de 1958. L'affaire Abel est extrêmement importante dans l'histoire américaine parce que pour la première fois, les Américains mettent ainsi la main sur le Yeti ou sur Moby Dick, la baleine blanche, un grand patron du service des illégaux. Un illégal de première force puisque Rudolf Abel vivait comme photographe à New York. Il faisait les photographies des mariages, des communions, des bar mitzvahs. Et sous le nom d'Émile Goldfuss, car il s'était choisi une identité juive, il était l'homme respecté de sa concierge et de ses voisins. Or, le brave Émile Goldfuss, célibataire et photographe de son état, recevait des microfilms, les échangeait avec Moscou dans des boîtes réservées à cet effet. Bref, il était toujours le chef d'un mystérieux réseau d'illégaux aux États-Unis. Arrêté par le FBI, en raison de l'envoi d'un radio qui s'appelait Ray Heihanen, un personnage épouvantable, alcoolique, maladroit, et qui ne tardera pas à être identifié par les Américains. Il se contente de donner son nom, Rudolf Abel, son grade, colonel, et tout en étant toujours d'une impeccable gentillesse de refuser toute collaboration avec les autorités américaines. Or, au même moment, les Soviétiques réussissent un coup de maître, celui d'abattre un de ces avions supersoniques U-2, qui, avant que les satellites artificiels nous donnent une carte beaucoup plus précise de l'Union soviétique, volait à haute altitude sur tout le territoire de l'URSS pour repérer les installations nucléaires. Pour la première fois, donc, un U-2 est abattu. Chacun, dans chaque camp, a ainsi la preuve de l'activité d'espionnage dépassant de loin les limites admises. Khrushchev décide de faire de l'affaire Powers une occasion de rupture avec les Occidentaux à Paris en 1959. Mais finalement, les choses s'apaisent. Powers sera échangé contre Abel, lequel devient un héros national soviétique. Il visite les petites classes, raconte son histoire héroïque, est représenté en timbre-poste et quasiment embaumé de son vivant. Il meurt d'un cancer en 1973. On n'a toujours pas compris ce que Rudolf Abel faisait aux États-Unis. Pourtant, nous avons grande partie des clés qui nous est donnée par un livre extraordinaire qui est publié en France en 1973 par un homme qui se présente comme ayant été le meilleur ami de Rudolf Abel, l'écrivain, fantaisiste et journaliste Kirill Henkin. Thank you. qui est Kirill Henkin. Henkin bénéficiait déjà non seulement d'un visage hautement sympathique, mais d'un degré de parenté très grand. Il était le neveu avec un des comiques les plus célèbres d'Union soviétique à son époque. Il était parti avec son père en France, à un âge encore tendre, après la révolution de 1905, il avait été élevé entièrement à Paris, ce qui fait qu'il parlait un français entièrement dépourvu d'accent. Et cela ne l'empêchait pas d'éprouver une profonde sympathie pour le communisme soviétique et pour la cause de la révolution. Bref, à 18 ans, il s'engage dans les brigades internationales et sert en Espagne, rapatrié en Union soviétique en 1940. Henkin devient un officier du NKVD et là, il rencontre le célèbre Rudolf Abel. Ou plutôt, comme il nous le révèle, Willy Fischer. Car Rudolf Abel, espion jusqu'au bout des ongles, avait donné une seconde identité aux Américains qui était également fausse. Ou plus exactement, presque fausse. En fait, à l'époque, nous raconte Henkin, dans les années de la guerre, 41-42, Willy Fischer était ami à la vie, à la mort, avec un de ses collègues, letton, du nom de Rudolf Abel, à tel point que tout le monde dans le service les avait surnommés Fischer Abel, comme s'ils étaient inséparables. Abel est mort peu après la guerre, mais c'est donc en souvenir de son ami défunt que Willy Fischer avait pris son identité. Or, Willy Fischer, c'est un personnage qui se rattache à l'histoire même du mouvement révolutionnaire russe, puisque son père, un juif russe qui vivait à Manchester, avait été un ami personnel de Lénine, le représentant des bolcheviks en Angleterre, puis un des fondateurs de services secrets soviétiques, et un agent du Comintern jusqu'à sa mort. Il a droit d'ailleurs à une rubrique dans la grande encyclopédie soviétique. Et son fils était donc devenu cet officier du NKVD qui se présentait sous le nom de colonel Abel, alors qu'il s'agissait du colonel Fischer. Toujours est-il que cette affirmation de Henkin s'est heurtée au plus grand scepticisme lorsque le livre est paru, alors que, 10 ans plus tard, les archives du KGB s'ouvrant, cette fois-ci, le porte-parole officiel du KGB, le colonel Oleg Tsariev, confirme presque tous les dires de Henkin, à savoir que Rudolf Abel s'appelait effectivement Willy Fischer. Henkin nous explique trois choses. Premièrement, que Fischer, à la fin de sa vie, était désespéré par l'évolution de l'Union soviétique, qu'ils étaient très amis, et que pratiquement, sur son testament, il a plus ou moins demandé à Andropov, le chef du KGB, de laisser le jeune Kirill Henkin, qui n'est déjà plus très jeune à l'époque, quitter le territoire soviétique parce qu'il n'a plus de lien avec le pays et qu'il veut revoir l'Occident. Henkin obtiendra un visa de sortie pour Israël et se rendra directement en France où il a publié 2 livres. Il est aujourd'hui traducteur retraité à Garmisch-Partenkirchen dans l'école de langue de la CIA en Allemagne. Or, voilà la seconde chose que nous dit Henkin. Willy Fischer avait été envoyé au départ, effectivement, pour surveiller l'espionnage nucléaire et le fermer, c'est ce qu'il raconte. Mais deuxièmement, ensuite, il a eu une autre mission. Et cette mission était probablement de s'occuper d'Alexandre Orlov, de surveiller Alexandre Orlov. Voilà une affirmation bien étonnante. Reste à comprendre ce que Fischer avait à voir avec Orlov. Alors, revenons-en à Orlov. Orlov est un des personnages les plus extraordinaires de toute l'histoire des services soviétiques, et pourtant, Dieu sait qu'il y a des personnages extraordinaires. Chef de l'espionnage soviétique pour toute l'Europe occidentale, sous le pseudonyme de Schwett, le Suédois, il parcourt, sous des déguisements divers, l'Allemagne, la France, les pays scandinaves, l'Angleterre, pendant toutes les années 30, avant d'arriver en 1937 à Madrid, comme chef de tout le NKVD pour l'Espagne. Or, à l'époque, le NKVD a tissé sa toile sur toute l'Espagne, depuis les régiments de l'armée républicaine jusqu'au ministère, et la responsabilité d'Orlov est considérable. Orlov est un homme fort intelligent. Il a obtenu, ce qui est un privilège tout à fait exceptionnel, de pouvoir s'installer à Barcelone, où se trouve son quartier général, avec sa femme et sa fille, qui est elle-même assez malade et qui a besoin de climat chaud pour soigner sa tuberculose. Orloff mène sans faiblesse la lutte contre les trotskistes en Espagne. Il est un stalinien à peu près convenable, mais lorsqu'il est rappelé par Staline fin 1938 pour une période de discussion à Moscou, il comprend qu'il ne reviendra plus jamais en Occident. Et là, Orloff, qui est un homme d'une grande audace, réalise un coup absolument extraordinaire. Il ouvre le coffre-fort dont il a la clé et qui comprend des sommes en dollars assez importantes dont il a la garde pour les opérations en Espagne. Il engloutit son petit trésor dans une serviette, il prend sous son bras sa fille, il emmène sa femme et grâce à son sens de la clandestinité, il a disparu en 2 jours. La disparition d'Orloff est un coup terrible pour les services soviétiques après la défection de Walter Krivitsky qui avait déjà commencé à parler sur toutes les opérations en Occident. Et elle a lieu début 1939. Orloff a pris un billet de bateau pour les États-Unis. Il y débarque, il retrouve un cousin à lui à New York. Il va même parler avec le FBI, mais se rend compte que c'est absolument inutile. Et avec un sens absolu de la clandestinité, il plonge dans l'anonymat le plus complet, dans une petite ville industrielle des Grands Lacs à côté de Buffalo. Et on n'entend plus parler de lui, ou plus exactement. Car ceci est maintenant connu, il envoie de New York une lettre à Staline. Il énumère une série de secrets opérationnels allant de Kim Philby à d'autres qu'on n'a pas tout à fait déchiffrés aujourd'hui, déclarant que tant que sa vie sera en danger, il a les moyens, par des documents laissés chez un notaire, de révéler aux services secrets occidentaux à peu près tous les secrets opérationnels de l'espionnage soviétique. Beria comprend que le chantage est sérieux, et effectivement, alors que Krivitsky est assassiné à Washington en 1941, Orloff ne sera, soi-disant, jamais retrouvé dans sa cachette, où d'ailleurs il vit très modestement avec les dollars du coffre-fort de Barcelone, sans se montrer ni donner de signe de vie, et à la fin de cette longue plongée dans l'anonymat, en ne mangeant plus que des cornflakes. Eh bien, il y a un second mystère Orloff, après celui-là qui est quand même assez lourd, c'est la réapparition d'Orloff. En effet, fin 1950, Orloff quasiment se constitue prisonnier, bien qu'il n'ait commis aucun délit, et parle au FBI pour la première fois. Et que raconte-t-il ? Eh bien que, lors de son dernier passage à Moscou, en 1937, au moment où les purges battaient leur plein, un de ses cousins, qui était lui aussi un officier du NKVD, Zinovy Katznelson, lui a raconté que lui et un certain nombre de ses camarades avaient mis sur pied un dossier qui prouvait que Staline avait été un agent de la police tsariste avant 1914 et qu'ils étaient en train de préparer ce dossier pour renverser Staline. Les révélations d'Orloff paraissent dans Life. La CIA y attache un grand prix. Mais en réalité, au fond, personne n'a intérêt à faire de Staline un agent de la police tsariste, et Staline meurt sur ses entrefaites, ce qui fait du coup d'Orloff un peu un pétard mouillé. N'empêche qu'Orloff va devenir une vedette, un peu comme Buffalo Bill était dans le cirque Barnum. Il fait des conférences aux élèves de la CIA, il publiera un manuel de la guérilla, qui est un peu le résumé de ses expériences espagnoles au moment où Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba, le livre est bien accueilli. Il continue une activité assez anodine aux États-Unis. Jusqu'à ce jour mystérieux de 1967, où un jeune colonel, lieutenant-colonel du KGB, vient sonner à sa porte alors qu'il, cette adresse ne devrait pas être connue. Il réussit à se faire identifier, la scène est dramatique, Orloff est armé, il a peur d'un attentat. Le lieutenant-colonel lui dit que pas du tout, il vient de la part du KGB pour lui dire qu'un certain nombre de ses amis sont bien en Union soviétique et se portent bien, les deux hommes pleurent, il y a une espèce de reconnaissance, Orloff le reverra 2 fois, mais il fera part de cette visite aux Américains. Et voilà tout, presque tout, puisque cette histoire de la visite a été racontée d'abord par un historien britannique qui raconte qui en fait un élément d'intimidation contre Orloff, et raconté une seconde fois, Mais ceci à la fin du communisme, par Oleg Tsareev, toujours le porte-parole du KGB, pour dire que, en fait, il s'agissait d'une démarche du KGB pour faire la paix avec Orlov et lui dire qu'il était pleinement réhabilité. Non seulement il sera réhabilité, mais sur ordre de Yuri Andropov, son portrait se retrouve parmi celui des grands officiers des services secrets soviétiques au petit musée du KGB à la Loubianka. Pourquoi tant d'égards à l'endroit de ce vieux juif russe qui, après tout, avait fini par faire sa soumission à la CIA et avait quitté Barcelone dans des conditions qu'on peut juger scabreuses, même si on ne peut juger personne à l'aune de ces sombres temps. Et c'est ici que la question Fischer réapparaît dans toute sa force. En réalité, lorsqu'Orlov est encore dans sa tanière, il a tous les moyens, et c'est cela qu'Andropov voudra souligner, de donner Philby. Surtout à un moment où Philby commence à être soupçonné après la fuite de McLean, mais est toujours réputé innocent. Il a aussi le moyen de donner les 5 espions de Cambridge et tout leur réseau, puisqu'en réalité c'est lui qui a été leur officier traitant pendant les années 30, lorsqu'il était de passage en Angleterre. Il a le moyen de donner tout le réseau d'espionnage soviétique en Suède qu'il a mis en place. Il a le moyen de donner la plupart des espions allemands de la République de Weimar. Il a le moyen, évidemment, de donner les premières bases de l'espionnage nucléaire. Or, il n'en fait rien. Autrement dit, dixit Andropov, Orlov est un homme d'une très grande correction. Autrement dit, la discrétion d'Alexandre Orlov vaut un coup de chapeau. Mais est-ce bien suffisant? Et en particulier, comment cette discrétion a-t-elle été obtenue et garantie? Et pourquoi cet homme qui a si peu parlé a accusé Staline et à un moment si crucial? C'est ici que, effectivement, les Athéniens s'atteignent et que l'on peut imaginer, bien que rien de tout cela ne soit encore prouvé, un contact entre Fischer et Orlov, quelque part en 51. Qu'est-ce qui empêche à ce moment-là Fischer d'expliquer à Orlov qu'il a une tâche très importante à accomplir maintenant, c'est de donner la vraie biographie de Staline? En effet, la date est tout à fait troublante. Nous sommes au moment où le complot des médecins se déclenche, c'est-à-dire la plus grande campagne antisémite de toute l'histoire de l'Union soviétique. La principale cible de cette campagne n'est autre que Beria lui-même, chef des services secrets, ministre de l'Intérieur, responsable de l'espionnage nucléaire soviétique, qui lutte pour sa vie et qui va s'efforcer avec ses collègues du bureau politique, Malenkov et Khrushchev, d'isoler Staline, de le coincer. Est-ce que on ne peut pas imaginer, puisque selon Henkin, Fischer contrôlait Orlov, qu'en fait les révélations d'Orlov, là encore, concentrées sur le seul Staline, n'ont pas été, en fait, une demande de Moscou? Et si Orlov a donc commencé la déstalinisation, 5 ans avant le rapport Khrushchev, cela ne valait-il pas une petite réhabilitation de la part d'Andropov qui lui-même luttait à l'époque contre ceux qui voulaient réhabiliter Staline? Autrement dit, la récupération d'Orlov et son utilisation pour calomnier Staline de son vivant ne serait pas le fait d'Orlov, elle serait le fait de Fischer et par lui de Beria. Et on comprendrait très bien comment, après un délai raisonnable, effectivement, les hommes qui contrôlent désormais le KGB, c'est-à-dire Boris Chelepine et ses amis, qui détestent Beria et tous ses proches, après avoir fait enfermer et torturer Soudoplatov, après avoir épuré le service secret soviétique de 99% de ses officiers juifs, et en dernière opération, donné Fischer au service américain à travers une provocation, et celui-ci, réponse du berger à la bergère, donnera pour identité Rudolf Abel, mais fera en sorte que Henkin puisse sortir avec la complicité d'Andropov, on le comprend, puisqu'Andropov partageait les convictions de Fischer et de Beria, et qu'en 1967, ayant mis fin à la carrière de Chelepine, eh bien, il tenait à donner ce coup de chapeau au vieil Alexandre Orlov, afin qu'il meure honoré dans sa patrie imaginaire qui n'est plus l'Union soviétique, mais le NKVD de toujours. Thank you.